France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'histoire est on ne peut plus célèbre, mais elle appartient précisément à l'histoire. Un fait divers, monstrueux, de ce genre de fait divers qui ne se passe que durant les périodes les plus troublées, durant les guerres ou quand des criminels sont au pouvoir. Durant la Première Guerre mondiale, l'affaire Landru. Et durant la Seconde Guerre mondiale, un autre homme qui paraissait charmant, qui savait y faire, selon celles et ceux qui l'ont approché. Landru tuait, après avoir attiré ses victimes par les petites annonces, le docteur Petiot, lui, le faisait par le bouche à oreille. Le docteur Petiot, le docteur Satan, le docteur aux mains sales, ce détail, qui n'en était pas un, avait sauvé au moins une personne. Le docteur aux yeux noirs très perçants, le docteur au rire cruel. Soyez témoins, l'affaire du docteur Petiot, première diffusion sur la chaîne parisienne le 18 juillet 1956. Soyez témoins. Une émission d'André Gillois. Il y a 10 ans, vous vous en souvenez peut-être, on exécutait à Paris un criminel notoire qui s'appelait le docteur Petiot. Cette affaire a fait couler beaucoup d'encre. Et Jacques Parson, qui est en train de faire une étude sur elle, a bien voulu réunir ce soir ici quelques témoins pour essayer de restituer le personnage et son histoire. Naturellement, il ne peut pas être question de raconter toute l'affaire, parce que le docteur Petiot a tué une quantité de gens et que ses crimes se sont échelonnés sur un certain nombre d'années. Mais je voudrais rappeler, pour la compréhension de ce qui va suivre, que le docteur Petiot, qui avait son cabinet de consultation rue Caumartin, possédait en outre un hôtel particulier rue Le Sueur, où il faisait venir ses futures victimes. C'est là qu'en mars 1944, on a découvert un véritable charnier. C'était pendant l'occupation allemande, et rappelons également que Petiot, ce jour-là, s'est échappé et qu'on ne l'a arrêté que bien plus tard, après la libération de Paris. Et maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, écouter quelques témoins de cette histoire. Nous avons d'abord devant nous un rescapé, M. Scarella. M. Scarella a failli être la victime du docteur Petiot, et il a bien voulu venir jusqu'à nous pour nous raconter comment. Voyons, M. Scarella, voulez-vous nous raconter maintenant votre histoire ? Eh bien voilà, j'ai connu le docteur Petiot lorsque j'étais maître d'hôtel à la rôtisserie normande à Saint-Lazare. Il venait comme client et, ma foi, nous avons sympathisé. Un beau jour, comme l'hôtel était occupé par les Allemands, et je sentais que ma présence devenait fatigante à ces messieurs, je me suis dit, attention mon vieux, tu vas être pris. Et alors c'était une marotte, je dis, tiens, je vais voir Petiot, il va me tirer de là. Et je m'en vais rue Caumartin, là, je connaissais son cabinet, il m'avait déjà soigné pour la grippe, etc. Et alors je vais le trouver en toute confidence, c'était midi moins 20. Alors je lui dis, docteur, vous pouvez me recevoir? Il me dit, oui mon cher, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai dit, voilà, je vais être franc, c'est pas que j'ai la trouille, mais enfin j'estime que si je peux me tirer de là, ces messieurs me font le sourire, un espèce de sourire mortuaire qui me fait peur. J'ai dit, messieurs, il s'agit de se tirer de là. Et alors, n'est-ce pas, je lui ai dit, tâchez de faire quelque chose. Il me dit, écoutez, c'est pas difficile. Je ne vous demanderai ni de vous déshabiller, je ne prendrai même pas l'attention. Je vais vous faire un petit certificat. Je sais qu'actuellement, les Allemands refoulent toutes les personnes qui ont des maladies vénériennes, etc. Je m'en vais vous trouver quelque chose de chouette et vous allez vous tirer de là. Et alors, il prend un papier, moi je ne savais pas, il l'inscrit devant moi, le myocarde, ceci et cela, la syphilis. Et ben vous voilà. Et alors, il me fait un grand papier que j'ai d'ailleurs conservé, qui est dans mon auberge. Que les clients se régalent. Et alors, je lui ai dit, une fois que c'est fini, je lui ai dit, mais dites-moi, c'est pas le tout, comment je vous dois? Vous croyez que ça va marcher, ça? Mon cher, vous allez voir. Il me dit 150 francs. Alors, je paye 150 francs, et je lui serre la main, tout ça, je m'en vais en le remerciant chaudement et tout. Au moment où je mettais la main sur le bouton de la porte, j'étais à 4 mètres de lui. Il me fait, dites-moi, monsieur Scarella. Alors je me retourne, ça devait être midi. Il n'y a personne dans la maison. Je me retourne et me dis, dis donc, mais il me vient une idée extraordinaire. Alors il prend une allure, le conspirateur, et il me dit, écoutez, silence. Je ne vous ai jamais dit que je faisais partie d'un réseau de résistance. Mais chut, pas un mot, vous me le jurez. Je dis, mais pourquoi vous pensez? J'ai remarqué, je dois vous dire en passant, que c'était un bonhomme charmant. Ah oui? Et très prenant. Ah oui, agréable, c'est lui. Pour prendre, il prenait. Il savait y faire. Hein. Oui. Et alors il me dit, écoutez, je sais que vous êtes maître d'hôtel, vous devez certainement baragouiner les langues et tout ça. J'ai dit, oui, je me débrouille, l'anglais, l'italien, l'espagnol, tout ça. Et bien, il m'a dit, j'ai trouvé une affaire pour vous qui vaut 100 fois le certificat. Vous allez bien réfléchir, voilà de quoi il s'agit. Tous les mois, nous avons des bateaux dans la résistance qui partent, qui longent les côtes, qui vont chercher du lait condensé pour les prisonniers en Espagne. Sublime, le lait condensé. Plus loin, au Brésil, etc. Les Allemands le savent et tout. Nos hommes qui sont là-dessus ne sont pas dérangés ni rien. Je vous glisserai là-dedans et vous allez faire le maître d'hôtel au Brésil. Ça vous dit rien? Et vous gagnerez de l'or. Alors moi, tout de suite, je ne suis pas tombé de la dernière averse, je me suis dit, mais dis donc, est-ce que par hasard, il ne me ferait pas faire un truc qui ne me plairait pas, de l'espionnage, je ne sais quoi. Et alors, je voulais qu'il se découvre un peu. Je lui dis, mais dites-moi, comment ça va me coûter, cette plaisanterie? Parce que je suis d'accord, je pars, oui. Bravo. Mais comment ça va me coûter? Il m'a dit, ça ne vous coûtera rien. Vous n'êtes pas le premier et vous ne serez pas le dernier. Alors, il me dit tout de suite, mais est-ce que vous êtes marié? Je lui dis oui. Ah, mais alors, il faut que votre femme parte avec vous, parce que figurez-vous bien que je ne veux absolument personne derrière, parce que je ne veux pas qu'on vienne m'empoisonner la vie avec les nouvelles que fait mon mari, où il est. Je risquerais de me faire prendre. Vous saisissez la chose. Alors d'accord, j'ai dit, ben écoutez, je vais tâcher de voir ma femme, de plaider la chose au mieux, mais moi, je suis partant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, ben voilà, vous n'allez pas amener des chaussettes raccommodées ou des âneries comme ça. Vous portez un costume ou deux propres, ce que vous avez de normal, de raisonnable, une cravate ou deux, quelques mouchoirs. Et je lui dis, mais et alors pour l'argent? J'ai un peu d'argent, heureusement pour moi, quelques économies. Eh bien, il me dit ça, mon cher, si vous avez des bijoux, tout ça, je vais vous donner... Soyons calmes, je vais vous donner la combine. Vous allez défaire la doublure de votre veston, vous allez cacher dedans, si vous avez quelques brillants, vous allez faire récupérer votre argent, le mettre là-dedans, votre petite valise, une quinzaine de kilos, et là-bas, moi, je donnerai des ordres et vous serez payé tout de suite et on vous placera dans un hôtel et ceci et cela. Moi, j'étais fier comme Artaban. Naturellement. Heureux comme un roi, je rentre chez moi, je dis bon d'accord, je vois ma femme et tout. Ma femme me dit où? Vous savez, comme toutes les femmes, un peu de méfiance et tout. Oui, le nez creux. Qu'est-ce que c'est que ça et comment et pourquoi? Mais alors, il veut que je parte avec toi, mais moi, ça me dit rien et tout ça. Enfin, ça demande 5 ou 6 jours. Je le revois à la brasserie Saint-Lazare. Elle me dit alors, vous avez réfléchi? Ah, je lui ai écouté, c'est moi, je suis décidé, d'accord, banco, ça part. Mais c'est ma femme. Qu'est-ce que vous me racontez là, mon cher? Allez, ça va s'arranger tout ça. Alors j'en ai encore parlé un petit peu à ma femme, et puis j'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai été trouver un ami, qui est actuellement à Bayonne de l'Orne, qui est un hôtelier, qui s'appelle Monsieur Guiral, il a l'hôtel du Joli Bois, là-bas. Il était un ami. Je lui ai dit, donc, j'ai une affaire. Ma femme ne veut pas venir, mais moi, il faut qu'on parte. Alors, je m'en vais soudoyer ce pauvre malheureux. Et il s'allait manquer d'un fil, il était partant aussi. Je vais voir le docteur. On y va et tout, ça va partir. Et puis les femmes m'ont parlé. Ça s'est estompé comme ça. Bonjour, bonsoir, je l'ai vu. Je lui ai dit non, je réfléchis, mais soyez tranquille, docteur, je ne dirai rien. Vous êtes tranquille, faites-moi confiance et tout. J'ai l'habitude de la clientèle, j'en entends tous les jours, je sais garder les secrets. Me tranquillisez-vous. Et ça s'est arrêté là. Quelques temps après, quand j'ai lu ça dans les journaux, j'avais la sueur. Sortez. Je suis sûr que vous avez fait un beau cadeau à votre femme. Ma femme me dit, tu vois, hein? Ah, c'est bien de toi. Ça. Et alors, elle n'a pas pu s'empêcher de me dire le mot méridional qui classe tout, petit couillon de pied. Ah, c'est merveilleux. Ah, c'est une histoire ravissante. Voilà. Bon. Eh ben, merci beaucoup. Oh, c'est carré là. Mille compliments à votre femme de notre part. Ah oui, alors, qu'est-ce qu'elle vous en parle encore, hein? Nous allons maintenant entendre M. Nézondet, qui est venu tout exprès de province pour nous apporter son témoignage et qui a connu, je crois, le docteur Petiot bien avant la célèbre affaire Petiot. Ah oui, je l'ai connu il y a une trentaine d'années. J'étais greffier depuis à Villeneuve-sur-Yonne, il était célibataire, moi aussi, et nous nous fréquentions, évidemment. Il était à ce moment-là maire de Villefranche, je crois. Et il a été maire par la suite, conseiller général du département de Lyon. Avant la guerre, alors. avant la guerre. Bon. Alors, voulez-vous nous dire quelle était sa personnalité, en somme, quand vous l'avez connu à Villeneuve ? Bien, c'était un très très bon camarade, très serviable, et toujours très bavard, n'est-ce pas, et qui intriguait toujours dans ses conversations, et on avait beaucoup de plaisir à converser avec lui. Toujours le mot pour rire ? Oh, toujours. Il était évidemment très populaire, très, parce très qu'il populaire, amoureux de rire. Très populaire, ça, il n'y a pas d'erreur. Mais on n'aurait jamais pu croire que par la suite, évidemment, il aurait la vedette de crimes aussi monstrueux. Mais pourtant, du temps qu'il était maire, il avait déjà eu des histoires dans ce temps. Oh oui, mais vous savez, quand on se mêle de politique et qu'on est maire, les ragots dans les petites campagnes surtout, n'est-ce pas, sont plus ou moins bien fondés. De quoi est-ce qu'on l'accusait à ce moment-là? De quelques assassinats, si je crois. Oh non, on l'accusait de vol de bidons d'huile, de vol de courant électrique, enfin d'un tas de choses, n'est-ce pas, plus ou moins vraies. Et de disparition de certaines personnes qu'il accusait. Oui, on l'avait accusé d'avoir tué sa bonne, mais enfin, les preuves. À ce moment-là, vous ne croyiez pas un mot des ragots qui se répandaient sur son compte? Non, je ne le croyais pas. Il était très serviable, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Et alors, vous l'avez revu à Paris, où il s'était installé comme médecin? Je souffrais d'un mal de gorge, et alors j'étais allé le voir en qualité de client et d'ami. Et alors il m'a soigné, il m'a très bien soigné, et puis alors nous avons continué à nous revoir. Il venait déjeuner chez moi, et j'allais déjeuner chez lui. Et vous l'avez vu pendant la guerre aussi? Un soir, j'allais lui porter des billets de théâtre. Et alors, j'arrive là quand la Gestapo venait pour l'arrêter. Et naturellement, la Gestapo m'a emmené à Fresnes. J'y suis resté pendant 3 semaines, et alors là, je suis ressorti au bout de 3 semaines, parce qu'en vérité, je ne savais pas pourquoi on avait arrêté Petiot. Et puis, en sortant de Fresnes, n'est-ce pas, je retournais à mes occupations, quand un jour son frère vient me trouver et me dit qu'il avait découvert rue Le Sueur un charnier, et il comptait un peu sur moi pour l'aider à camoufler cette chose. Mais moi, je n'ai pas voulu me mêler de cette chose-là, naturellement, et j'étais donc au courant du secret. Non mais pardon, le frère croyait que c'était en tout bien, tout honneur. Ah oui, parce que, n'est-ce pas, d'après ce que le frère m'avait dit, il y avait des uniformes allemands, voilà. Il y avait 55 personnes, et moi je me suis dit, sous l'occupation allemande, on ne peut tout de même pas dénoncer quelqu'un qui est supposé avoir tué des Allemands, qu'est-ce que vous voulez, hein, ça, c'était pas mon rôle de le dénoncer. Et puis, un jour, son frère m'apprend qu'il est sorti de prison de Fresnes, et il avait avoué devant moi, n'est-ce pas, qu'il avait fait passer des gens à l'étranger. Je trouvais ça un peu bizarre, mais enfin, parce que moi, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Vous l'avez revu à ce moment-là? Oui, il m'a donné rendez-vous, mais moi, qui connaissais le secret, n'est-ce pas, je n'étais pas pressé de le rencontrer. Alors, au lieu d'aller chez lui, je lui avais donné rendez-vous au billard de la rue Saint-Lazare, n'est-ce pas? Et j'avais demandé à la police, avant de partir, de vouloir me faire surveiller. La police m'a répondu qu'il n'y avait plus l'affaire Petiot, que l'affaire était classée. Je la trouvais bien bonne, sachant ce que je savais. Je suis allé à ce rendez-vous, on a parlé d'un tas de choses. Vous ne lui avez pas posé de questions? Ah, pas du tout. J'ai fait celui qui ne savait rien, naturellement. Son frère ne lui avait donc pas dit qu'il vous avait révélé? Non, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que certainement sa femme lui avait dit. Et je suis à peu près convaincu aujourd'hui que si je n'avais pas dit à sa femme que j'étais au courant de son secret, il n'y aurait jamais eu d'affaire Petiot. Parce qu'il aurait fini de camoufler la chose, n'est-ce pas? Et il n'y aurait jamais eu d'affaire Petiot. Seulement, certainement que je ne serais plus en vie. Il y a bien des chances. Mais on a dit que l'hôtel de la rue Le Sueur était menacé de réquisition par les Allemands. Et c'est devant cette menace qu'il avait dû renoncer à son procédé lent de destruction des cadavres par la chaux, par un procédé plus rapide qui était l'incinération. Et c'est cette incinération qui l'a fait découvrir, puisque c'est le feu de cheminée apparent qui a donné l'alarme. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, n'est-ce pas, c'est lui, Petiot, qui a demandé aux Allemands l'autorisation de rendre cette maison inhabitable, de façon qu'on ne réquisitionne pas de locaux dans cet immeuble. C'est un peu culotté, vous me direz, d'aller demander aux Allemands la permission de tuer des Allemands chez lui. C'est comme ça que ça... C'est peut-être pas éclairé sur la façon dont il entendait la rendre inhabitable. Oui, mais enfin, évidemment. Mais quand vous dites que si vous n'aviez pas su ça, il n'y aurait pas eu d'affaire Petiot. Eh bien oui, parce que quand j'ai dit à sa femme, n'est-ce pas, les confidences de son frère, oui. Certainement elle lui a répété. Oui. Alors à ce moment-là, il était au courant de ce que je savais. Oui. Alors, admettons que je le répète... Pour que ce ne soit pas vrai, il aurait détruit la chose, n'est-ce pas? Mais comment? Il aurait fallu qu'il vous détruise d'abord. Ah oui, évidemment. Et ça se passait à quel moment, c'était? Eh bien, c'était tout de suite après ma libération de Fresnes. Non, ça s'est passé 8 mois après notre incarcération à Fresnes. C'est-à-dire en 1943. Ah oui, en 43, donc il devait... Non, il a été libéré, pardon. Il a été libéré en janvier 44, Petiot, par les Allemands. Je je me trompe peut-être, vous savez. Oui. Moi, je sais que je suis resté 3 semaines à Fresnes et lui, il est sorti 8 mois plus tard. Bon, ben, 8 mois plus tard, ça fait janvier 44, parce qu'il a été arrêté en 43. Oui, vous avez raison. Donc, quand vous l'avez vu dans ce café où il vous avait donné rendez-vous, c'était entre janvier 44 et mars, date de... Ah oui, avant la découverte, avant la... Non, bon, pas son arrestation, la découverte de Charnier. Le Charnier a été découvert au mois de mars 44. Donc, très peu de temps après que vous l'ayez rencontré. Ah oui, très peu de temps après. Et alors, vous avez un jour dans le métro, n'est-ce pas, je vois sur le dos d'un voyageur, dans le journal, je vois un Charnier découvert rue Le Sueur. Alors, mettez-vous à ma place, je descends à la première station, j'achète le journal et je dis, alors, ça y est. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Eh ben, moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah, tiens, vous n'allez pas. Vous félicité de ne pas avoir été au rendez-vous. Bah, oui. Ah, oui, je me suis félicité de n'avoir pas été au rendez-vous. Et puis, alors là, je me suis dit, ben, le frère ne m'a pas menti. C'est bien vrai. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Lesondais. Nous avons devant nous monsieur Gauffier. Monsieur Gauffier nous apporte son témoignage, car il habite 66 rue Comartin, là où était le cabinet du docteur Petiot. Ouais, juste le café en dessous. Vous tenez un café, non? La chope du printemps, oui. Là, en dessous, le... En dessous de l'ancien cabinet du docteur Petiot. Le docteur Petiot, oui. Et vous étiez déjà là au moment où il était installé? Oui, depuis 1928. Ah bon, alors vous l'avez très bien connu? Très bien connu. Il venait dans votre café ou vous alliez dans son cabinet? Non, c'est-à-dire que nous étions ses clients. La famille et moi, nous étions ses clients. Jusqu'à un certain point. Comment ça? Oui, naturellement, jusqu'à un certain point. Mais nous avons eu droit même à la piqûre. À la piqûre, attention, à la piqûre... La piqûre du vaccin qui a été rend obligatoire en 42. Ah oui. Ben, il m'a même soigné en tant que blessé-dire, je suis mutilé, j'ai droit aux soins, j'ai un carnet de soins. Alors j'allais même chez lui. Tenez, voilà ses ordonnances. Ah bon, vous avez conservé les autographes même. Autographes, oui. Ouais. Bon, enfin, pour vous, il était un médecin traitant ordinaire. C'était le médecin du quartier, le médecin de la maison, le... Et il était, le médecin. Il était sympathique. Il était très parlant. Et pendant la guerre, il ne vous a pas dit qu'il appartenait à un réseau. Enfin, il n'avait jamais été question de résistance. Jamais de confidence. Il n'allait jamais dans votre café? Non, presque jamais, non. Il était devenu 400 fois, c'est tout. Et Par contre, son frère, quand il venait le voir, avant de partir, il venait prendre un pot, quoi. C'est ça, c'était... Lui et son frère, c'est à peu près... Ils se ressemblaient étrangement, c'est à peu près le... Ah, ils se ressemblaient beaucoup? Oui, c'était de la même taille, à peu près. Les mêmes yeux? Oui, à peu près, oui. Vous voyez quelquefois partir avec sa bicyclette, une remorque à sa bicyclette? Ah, sa petite remorque, oui. Oh, j'ai même donné un coup de main pour la passer la porte, parce qu'il y avait une marche à la porte. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la remorque, ce jour-là? Comment? Bah, vous savez... Des bibelots, parce qu'il s'occupait beaucoup de la salle des ventes aussi. Je crois qu'il allait acheter des bibelots, enfin... En vente. Là, il allait et venait. Il était même légendaire avec sa bicyclette et sa petite remorque derrière. On le voyait souvent. Mais il n'y a pas que le dîner des sacs de charbon aussi, non? Une fois, il me semble qu'il y avait un sac de charbon, peut-être bien, oui. Je ne crois pas de la faire, mais oui. Je voyais plutôt des bibelots. Des bibelots, oui. Il revendait. Ça vous a pas paru bizarre pour un médecin qu'il ait tellement de bric-à-brac? Tiens, ben c'est un maniaque d'aller acheter, de revendre. C'était un maniaque, en effet. Mais... Oui, mais pas tout à fait. Et alors, comment avez-vous appris son arrestation? Ben, le lundi matin, en arrivant à ouvrir la boutique, rue Comartin. C'était toute une rumeur dans le quartier. Quoi, parce que la police était là. La police était rue Comartin ou rue Le Sueur? Le jour où l'on a découvert le charnier de la rue Le Sueur, le 11 mars 1944, on a téléphoné rue Comartin en disant au docteur Petiot qu'il y avait un feu de cheminée chez lui rue Le Sueur. Et il y est allé avec sa bicyclette. Vous ne l'avez pas vu ce jour-là? Mais il me semble que c'était, si j'ai bonne mémoire, c'était pas un dimanche. Et le dimanche, nous sommes fermés, nous. Le docteur Petiot était donc venu rue Le Sueur à bicyclette. Mais en attendant son arrivée, le feu de cheminée continuant, on avait appelé la police qui était venue aider les pompiers à enfoncer les portes. Et c'est alors qu'on avait découvert le fameux charnier. Là-dessus, le docteur Petiot arrive, il entre dans la maison et il dit « Je suis le frère du docteur Petiot ». Et un instant après, il a pu repartir, tout simplement parce qu'il s'était approché d'un brigadier et lui avait dit « Vous êtes en train de faire une sottise, vous vous doutez bien que ce sont des cadavres d'Allemands qui sont là-dedans et que c'était une organisation de résistance ». Et le policier l'a laissé partir. Ce qui est intéressant, c'est que il est dit qu'il était le frère, puisque monsieur dit que les deux frères se ressemblaient beaucoup. Ça suppose une ruse constante. En fait. Merci beaucoup, monsieur Gauffier. Nous allons recevoir maintenant le témoignage de madame Eriane, qui est avec nous dans le studio, et qui a connu le docteur Petiot, qui a même failli être sa victime. Je voudrais, madame, que vous nous disiez dans quelles circonstances vous avez fait sa connaissance et quels sont les détails de cette affaire qui a été si tragique. Un médecin de mes amis est venu un jour me dire qu'il avait entendu qu'un médecin faisait partir les gens à l'étranger pour se sauver des Allemands. Alors, comme je voulais partir, ça m'intéressait et je suis allée voir Madame Gingold qui, à ce moment-là, me soignait les dents. Et elle voulait partir aussi. Elle m'a demandé des détails. Je ne savais pas encore grand-chose à ce moment. Donc, j'ai demandé à faire la connaissance de ce médecin. Donc, le docteur, mon de mes amis, m'a présenté un jeune homme qui connaissait ce médecin. Et il m'a amené dans un café rue de Tronchet pour me présenter un homme qui s'avérait être après le maquilleur. De là, nous sommes allés chez le coiffeur rue de Mathurin. On m'a donc présenté le docteur Eugène. Je ne connaissais pas d'autres noms. Et il m'a posé plusieurs questions. Je lui ai dit que je voulais partir pour différentes raisons. Que j'avais peur que les Allemands qui me cherchaient déjà deux fois. Et alors il m'a demandé si j'étais pressée pour partir. J'ai dit oui, beaucoup. Très pressée. Et comme on m'a dit à ce moment-là qu'il fallait 75 000 francs pour le voyage, je lui ai dit, docteur, j'ai tout ce qui me reste comme argent liquide pour l'instant est 250 000 francs. Si je dépense 75 000 francs en arrivant là-bas, j'aurai d'autres dépenses. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais vivre là-bas? Il m'a dit, vous en faites pas, on vous emploiera, puisque vous travaillez pour les Alliés, vous aurez du travail là-bas. Mais, quand je parlais de 75 000 francs, il a fait un bond, il était très fâché, il a dit, non, ce n'est pas 75 000 francs, c'est 50 000 francs. Et il est parti dans l'autre pièce en amenant le coiffeur, disant, je ne veux absolument pas qu'on fasse un commerce. Et tenez-vous ça pour dit, parce qu'autrement, vous ne me verrez plus. Le lendemain, le docteur Eugène m'a téléphoné. Et je lui ai donné rendez-vous. Il est donc venu rue Pasquier, où j'habitais. Il a dû savoir que je connaissais pas mal de gens riches, puisque moi-même, j'avais une fortune assez importante avant la guerre. Et j'ai gardé des relations. Il m'a dit, je crois que je pourrais vous faire partir bientôt. Et si vous avez des amis qui veulent partir, si vous avez des amis à faire profiter de cette occasion, faites-le. J'étais d'accord de parler à des amis qui avaient l'intention de partir. Et il est parti. Le lendemain, Madame Gingold est venue le soir me voir pour me parler des amis qui sont venus de la Hollande, des juifs allemands, qui voulaient partir. C'était une famille de nom de Wolf, et ils m'ont supplié de les faire partir. Quand la prochaine fois, le docteur Eugène est venu me voir, j'ai dit que j'avais des amis qui voulaient partir. Il a donné encore des détails, comment il faut partir. Si on a de l'argent, des bijoux, il faut faire une ceinture dans une matière imperméable, parce qu'il se peut très bien que le bateau sur lequel on partirait pourrait être torpillé. C'était le seul danger qu'on puisse courir pour ce voyage. Et on partait avec des papiers diplomatiques. Et donc, je lui ai dit que je parlerai avec ces personnes. C'était monsieur et madame Wolf et la maman de monsieur Wolf. Après quelques jours, il m'a de nouveau téléphoné, le présenté. Il leur donnait encore des détails, puisqu'il voulait savoir un peu plus long. Il disait qu'on partait avec un bateau, on arrivait en Amérique du Sud, on savait jamais quel était le port où on arrivait. Et de là-bas, en arrivant là-bas, il fallait rester 6 mois sans bouger avant de pouvoir se diriger vers n'importe quelle destination. Donc, les Wolf étaient prêtes pour partir. Chaque voyageur avait le droit de 2 valises emportées. Les dames un sac à main, comme s'ils sortaient pour une promenade ou faire des courses dans Paris. Donc, c'était fait. Les bagages étaient amenés la veille chez le coiffeur rue de Mathurin. Et le lendemain matin, le docteur Eugène est venu les chercher. Ils sont partis à 8 heures du matin. Avant de partir, la famille Wolf m'a parlé d'un jeune couple qui habitent l'hôtel et qui sont en danger aussi. Elle était polonaise d'origine et son mari était allemand. J'attendais pour moi et chaque fois, je demandais, docteur, quand partirai-je? La première fois, il m'a dit, je ne peux pas vous faire partir maintenant parce que nous avons fait libérer un homme de Drancy, qui est de Fresnes plutôt, qui était de notre réseau. Et nous l'avons fait libérer. Et nous, comme nous pouvons prendre que 4 personnes par voyage, en dehors des réfractaires, je ne peux vous amener. Quelques jours après, monsieur et madame Baston sont venus me trouver. Et c'était le jeune couple dont les Wolfs m'ont parlé. Ils m'ont raconté que leur famille était à Nice, qu'ils ne voulaient pas partir sans faire venir, les parents et la sœur avec son mari. Mais il fallait attendre pour qu'un passeur amène les 4 personnes de Nice. Et on attendait. Moi, je ne pouvais toucher le docteur Eugène que quand il me téléphonait. Je n'avais aucune adresse et il ne voulait pas qu'on aille le demander rue des Mathurins. Et quand il m'a téléphoné, je lui ai dit de venir me voir. Et alors, quand les parents sont venus, il organisait leur voyage. Il a d'abord fait partir les parents, la sœur et son beau-frère. Étant parti, 15 jours après, il venait pour dire qu'on se prépare pour le voyage. Moi, toujours rien. Avant qu'ils partent, ils ont demandé, après les parents, les nouvelles, naturellement. Le docteur Eugène leur a apporté un jour une lettre écrite par le beau-frère, dont Madame Baston a reconnu l'écriture. Elle ne se rendait pas compte, il y avait une sorte d'incohérence, des phrases qui semblaient incohérentes dans cette lettre, mais comme elle mettait ça sur le compte de l'énervement, d'attente qu'il voulait se voir, parce que les 4 personnes, donc la famille qui partait avant, devait les attendre dans le port de France pour partir, pour prendre le bateau ensemble. Quelques jours après, il est venu lui-même, cette fois-ci, prendre les valises du couple Baston pour les porter rue de Mathurin et il devait partir le lendemain matin à 8 heures. Il est venu les chercher et ils sont partis. Quelques jours après, comme il me téléphonait 2 fois par semaine pour avoir des nouvelles, et de me rassurer, je lui ai dit que je voudrais le voir. Il croyait que je lui présenterais quelqu'un. Cette fois-ci, c'était personne. Et j'étais très inquiète parce que, de nouveau, les Allemands sont venus me chercher. Et grâce à la concierge, ils ne m'ont pas trouvée. Alors j'ai insisté pour que le docteur me fasse partir. Il a dit, madame, ne craignez rien. Je vous promets que vous partirez. Ce manège dure depuis 18 mois. Il disait, je peur que nous soyons brûlés. Si je ne vous fais pas partir avec un autre groupe, je vous donne ma parole d'honneur que vous partirez avec moi, ma femme et mon fils. Le passeur de la famille Baston est venu un jour me voir pour me parler d'une famille moitié française et moi, c'était un monsieur de nom, je crois, Cadoret. Oui, Cadoret de l'Épinguen. C'est ça. Sa femme était polonaise, médecin. Sa femme était médecin, ils avaient un bébé. Et il m'a demandé si je ne pouvais pas le présenter au docteur Eugène. Quand le docteur m'a téléphoné, je lui ai dit qu'il vienne me voir. Il est venu me voir, je lui ai parlé de ces gens. Il a commencé à me poser des questions assez serrées que je ne pouvais pas répondre. Alors il a dit, faites donc d'abord leur connaissance et vous me direz s'ils sont vraiment sérieux et s'ils veulent partir. Parce que je n'ai pas le temps de m'amuser. Et alors, il les a vus 2 fois. La femme de M. Cadoret étant non curieuse, puisqu'on ne peut pas appeler ça curiosité, mais elle voulait savoir beaucoup de détails. Et le docteur Eugène a commencé à s'énerver. Quand ils sont partis la dernière fois que je les ai vus ensemble, donc M. Cadoret et sa femme, lui met les sinox, cette bonne femme. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle n'est donc pas contente de pouvoir partir. Je ne sais pas, docteur, elle m'a posé 36 000 questions, donc je ne pouvais pas répondre. Eh bien, je verrai. Je ne suis pas très sûre de le faire partir. Il demandait surtout aux partants s'ils avaient de la famille, s'ils avaient des amis, qui restaient ici. Alors, je ne savais rien au sujet des cadorets. Et il faisait donc un autre, il a donc fait un autre rendez-vous. Et le cadoret ne voulait plus partir. Est-ce qu'ils sont méfiés? Ils ont dit, surtout elle. Il ne lui inspire pas confiance parce qu'elle ne peut pas se fier à un médecin qui a des mains sales. Oh, oh, quelle bonne ça, psychologie. Ça, c'est pas mal, ça. Mal à la raison. Et c'est ça qui l'a sauvé, en somme. C'est la dernière fois qu'il m'a téléphoné. Je lui ai dit, docteur, j'ai absolument besoin de vous voir. Alors, il est venu me voir. Je lui ai dit, docteur, il faut absolument que vous me fassiez partir parce que je ne peux plus rester ici. Soyez tranquille, dans 15 jours... Je crois que nous partirons, moi et ma famille. Alors, je vous ai promis, je tiendrai parole. 15 jours après, je suis par un inspecteur de police, par intermédiaire de Madame Gingold, qu'un certain docteur Eugène a été arrêté par les Allemands parce qu'il faisait partir les gens à l'étranger. Et il a donné au moins 25 noms. J'ai disparu à ce moment-là de la rue Pasquier parce que je craignais qu'il ait parlé de moi aussi. Nous avons su après qu'il a été arrêté parce que les Allemands ont reçu une lettre anonyme. Il s'est avéré par la suite que cette lettre anonyme était écrite par lui-même, par le docteur Eugène, pour être arrêté, pour rassurer ceux qui sont restés des amis, des parents, de ceux qui sont partis. C'est admirable. Ça, c'est subtil. On l'a gardé, il paraît qu'on l'a battu, on lui a cassé plusieurs côtes et tout ça. Véritablement. Oui, on l'a un petit peu malmené, ça certainement. Oh ben mon Dieu. Il n'a pas pu continuer longtemps parce que justement, je regardais les dates. Oui. Il a été libéré en janvier 1944 par les Allemands. Oui. Et le charnier de la rue Le Sueur a été découvert au début du mois de mars. C'est exact. Bon, alors, et nous n'avons vraiment pas, parmi tous les gens dont nous en avons entendu parler, nous ne voyons même pas quels sont les gens qui se situeraient à cette époque-là. Ah. Et pourtant, il y en avait, puisqu'on a trouvé des corps. Il a avoué 63 personnes, lui-même, oui. Il a revendiqué 63 personnes. Ah. Madame Myriam, après que vous nous ayez fait ce récit passionnant, je voudrais vous poser une question. La première fois que vous avez vu ce docteur... Oui. Quel effet vous a-t-il fait? C'est ça. Oui. Il n'a jamais eu de méfiance. Non, parce que, vous savez, madame, on se méfiait de personne à ce moment-là. Ou de tout le monde. On confiait non seulement tout ce qu'on avait, on se confiait soi-même à ceux qui promettaient ou on avait le moindre espoir de partir. Mais c'est-à-dire qu'on inspiré confiance. Il m'a inspiré confiance, probablement, puisque j'ai donné suite. Oui. Si c'était le contraire, je ne l'aurais pas fait. Il y avait la seule chose qui m'a frappée en lui, c'était son rire et ses yeux. Il avait des yeux qui étaient un peu perçants. Oui. Et très noirs, le regard très fort. Et le rire était un rire de quelqu'un de, je ne sais pas... Cruel, exactement. Cruel. Oui. Mais s'il s'appliquait si soigneusement à être renseigné sur les amis ou les parents des personnes qu'il faisait partir, pour l'éventualité de questions, vous étiez tout de même le témoin constant. Il ne vous a jamais fourni de justification sur les absences. Il n'y avait pas de raison que les personnes parties écrivent à madame, n'est-ce pas? Oui, mais par l'intermédiaire du docteur, puisque tout était des amis ou des relations de madame. Des relations tout à fait momentanées. Non, elle n'avait pas de raison de recevoir des nouvelles de monsieur et madame Wolf, de monsieur Lé, des autres personnes, non. Non. Alors, en sa maison, étaient tués, les pauvres Wolf. Ah oui. Il faut rappeler que lorsque Madame Myriam dit partir, ça voulait dire partir pour l'autre monde. Jusqu'à la rue Le Sueur où ils étaient brûlés. Eh bien, je vous remercie infiniment, Madame Merriane, d'avoir bien voulu vous déranger et nous rappeler ces souvenirs qui, pour vous, sont évidemment très émouvants. Nous avons devant nous le commissaire Massu. Le commissaire Massu a fait l'enquête sur l'affaire Petiot. Il est donc plus qualifié que quiconque pour témoigner devant nous et nous dire les grandes lignes de cette affaire. Vous en avez été chargé au moment de la découverte du charnier de la rue Le Sueur. Exact. Alors, vous êtes arrivé rue Le Sueur à quel moment ? Je suis arrivé, je crois, le 21 mars... À 10h du soir. J'étais prévenu chez moi par un coup de téléphone du secrétaire de l'APJ et je me suis rendu avec mon fils. Quand je suis arrivé rue Le Sueur, il y avait les gardiens de la paix, le commissaire de police du quartier, le commissaire d'arrondissement et je crois encore des pompiers. Personne n'était descendu dans la fosse, car on disait qu'il y avait une fosse où il y avait eu des ossements calcinés en partie par de la chaux. Donc j'ai passé mon pardessus à mon fils, je suis descendu dans cette fosse, et en effet, j'ai trouvé quelques ossements que j'ai manipulés, etc., et je suis remonté. J'ai procédé à une visite des lieux, je suis allé dans la chaudière, il y avait encore sur place deux ou trois crânes, je crois. Il y avait des ossements humains assez importants que j'ai rassemblés pour les faire photographier, et j'ai continué ma petite visite. Jusqu'à minuit, les constatations sur place. À minuit, j'avais fait ma petite enquête, le commissaire de police du quartier m'avait mis au courant. Le locataire des locaux était un certain docteur Petiot, qui habitait rue Comartin. Je me disposais à y aller. Quand un cycliste de la police municipale a apporté un télégramme à son chef de la police municipale dans la cour de la rue Le Sueur, avec ordre des autorités allemandes, arrêter le docteur Petiot, fou dangereux. Alors, au lieu d'aller chez Petiot, j'y suis pas allé. J'ai dit à un inspecteur qui se trouvait là, qui avait été alerté comme moi, qui était de permanence, vous irez demain matin chez le docteur Petiot au matin et vous l'inviterez à se présenter à mon cabinet, vous l'accompagnerez. Le lendemain matin, l'inspecteur m'a dit, à 7h du matin, patron, il est parti, la porte est ouverte, il n'y a plus personne. J'ai dit, écoutez, tant pis, moi. Je dis à quelle heure y êtes-vous allé ? Il me dit à 7h, j'ai dit il fallait y aller à 4h. Et puis, le lendemain matin, j'étais d'ailleurs averti au petit matin, qu'il y a un transport de justice par le préfet de police en personne, le procureur de la République en personne, le juge d'instruction de service et le docteur Paul. Là, on a refait les constatations auxquelles j'avais procédé dans la nuit, et ça a duré jusqu'à peut-être une heure de l'après-midi. Je suis parti déjeuner. Ensuite, je suis allé rue Comartin au hôtel docteur Petiot. J'ai procédé à une perquisition et j'ai trouvé différentes adresses de Lyon dont il était originaire. Alors, comme j'ai appris à ce moment-là que les Allemands s'intéressaient à l'affaire, mon directeur général de la police judiciaire était venu, il fallait faire quelque chose. Alors, j'ai reçu une mission d'aller dans Lyon. Il n'y avait pas de train. Il y avait des trains tous les deux jours. Alors, on m'a donné une voiture de la police judiciaire. Je suis allé dans Lyon. Et dans Lyon, j'ai ramené Madame Petiot, la femme du docteur. J'ai ramené son frère Maurice. Et j'ai procédé à une perquisition dans une adresse 13 rue des Lombards qui avait été marquée sur un écriteau de l'immeuble de la rue Le Sueur. Il y avait encore d'absence, alors c'est 13 rue des Lombards à Auxerre. Il y avait des souterrains assez grands. J'ai eu l'impression que Petiot, dans une chambre, avait couché là. Et à côté, j'ai trouvé une carte d'identité, la carte d'identité d'Harry Bore, l'acteur de cinéma. J'ai supposé à ce moment-là que Petiot, qui faisait fonction de médecin d'état civil dans le 9e arrondissement, avait dérobé le portefeuille d'Harry Bore au cours des constatations du décès. Ça avait été vrai, non? Alors, par la suite, l'enquête a continué. Je me suis évertué à identifier les victimes. J'ai réussi à en identifier 23, je crois. J'ai réussi à découvrir dans Lyon, à Courson, chez un serrurier, les bagages des victimes, c'est-à-dire ce qui m'avait permis d'identifier, de mettre un nom sur les disparus. Et j'ai attendu. L'enquête se continuait toujours et on me demandait des renseignements pressants pour arrêter Petiot, comment ça se fait, etc. Il y avait des radiesthésistes, et alors on le disait mort dans le nord, on le disait vivant dans le sud, etc. J'ai été convoqué à l'inspection générale des services qui m'a demandé, mais enfin vous m'avez su comment ça se fait pour Petiot, etc. Je dis, moi je ne l'ai pas, qu'est-ce que vous... J'ai une affaire, au lieu de critiquer le personnel, il faut le féliciter. J'ai une affaire, vous avez tout là-dedans. J'ai la femme, le frère qui a amené la chaux. Il y a tous les intermédiaires qui ont été arrêtés. Tous ces pauvres types-là, si j'arrête Petiot, n'est-ce pas, ils passaient en justice allemande, puis ils n'auraient pas fait, les Allemands n'auraient pas fait d'exception. Ils seraient tous passés à la casserole. Il n'y avait pas d'erreur. Alors j'ai attendu, j'ai dit, mais je ne l'ai pas, Petiot. J'ai arrêté tout le monde, j'ai identifié les victimes, j'ai retrouvé tous les bagages, il manque juste Petiot, un seul type. Il me semble que c'était une affaire. Et c'est, voilà. Alors on m'a laissé tranquille. À la libération, j'ai été mis à la retraite, j'étais à la veille de la limite d'âge, je pars, et puis je suis parti. Et je n'ai pas continué à faire Petiot. Quand il est arrêté, c'est pas moi qui l'ai arrêté. J'aurais voulu l'arrêter, moi, Petiot. Je m'étais dit, ce sera ma dernière affaire. Ce sera mon dernier client. Car j'ai commencé un livre qui n'est pas fini, où je mets mon dernier client. Pour en revenir au premier jour de votre enquête, lorsque vous êtes arrivé dans cet hôtel de la rue Le Sueur, c'est vous qui avez trouvé le réduit dans lequel il faisait passer ses victimes. Oui, c'est ça. Alors, il les faisait entrer dans son cabinet. Il avait un petit cabinet de réception, si vous voulez, avec fauteuil, très gentil, très propre. Et... après les avoir consultés, il devait leur dire passez à côté dans la salle d'attente. Dans la pièce d'à côté, il y avait une grande porte à double battant avec un bouton. On aurait cru que c'était, on allait pénétrer dans une salle. En réalité, c'était une double porte collée sur le mur. Il n'y avait rien derrière. Et il y avait un bouton qui ne sonnait pas, bien entendu. Alors, ils étaient emmurés là-dedans, ils refermaient sa porte. Car la porte de son cabinet, elle était capitonnée. Il y avait une seconde porte. N'est-ce pas, il y avait deux portes, on ne pouvait pas entendre ce qui se passait. Et alors, dans ce petit réduit, cette chambre de torture, on peut l'appeler chambre de torture, il y avait un petit Judas, un voyant, n'est-ce pas, qui lui permettait, de l'extérieur, de voir ce qui se passait dans cette chambre-là. Mais est-ce qu'on n'a pas dit ensuite que le papier de torture avait été collé sur l'orifice de ce viseur? Quand vous l'avez vu, il était... Il fonctionnait. Ah, non, je crois pas. On l'a découvert, il y avait du papier, on l'a découvert. En sondant le mur, centimètre alors, par centimètre. Alors, ce qu'il faisait, il les emprisonnait là, entre la fausse porte et... C'est ça. Et quoi? Et un mur? Ah, c'était une petite pièce triangulaire comme ça, n'est-ce pas? Toute petite. Il est laissé là combien de temps? Personne n'a jamais su. Donc, au fond, on n'a jamais su comment il faisait disparaître. C'est tout simplement là que je voulais ramener. On n'a jamais su. Jamais. Je m'étais dit, ce sera mon dernier client et j'aurais voulu qu'il fasse comme les autres. Et puis qu'il raconte comme les autres. Avez-vous une hypothèse? Ah, du tout. Mais à ce moment-là, j'ai pensé que c'était un demi-fou, certainement un sadique. Puis en même temps, il pouvait pour voler sans aucun. Parce qu'il y avait beaucoup d'Israélites qui l'emmenaient, qui avaient toute leur fortune, qui avaient tout leur avoir, qu'on n'a jamais retrouvé. On a trouvé les bagages, mais rien d'autre. Ce qui est très frappant, c'est que tout de même, d'après les dépositions que nous avons même entendues, certaines de ces victimes écrivaient des lettres. Oui. Bon, donc, il devait probablement leur faire une piqûre, fallait les mettre dans un état tel qu'ils pouvaient les amener... À écrire. Ça, oui. Et alors, Nous avons un cas tout à fait précis d'une lettre dont l'écriture a été reconnue par les parents. Comme authentique. Et alors, il devait leur dire quoi? Je vais vous piquer contre la fièvre jaune, C'était le prétexte des piqûres. Dans la porte, il y avait, si je me souviens, au mur, il y avait des crochets pour... On aurait pu suspendre des victimes, n'est-ce pas? J'en avais 7 ou 8, je crois. Et dans la porte, il y avait deux petits trous qui étaient comme ça, d'un centimètre de diamètre environ, à peine un centimètre de diamètre. Alors là, il est possible qu'il ait pu envoyer, n'est-ce pas, quelque chose, un gaz quelconque, c'est possible. Parce qu'ils ont été faits spécialement. Oui, c'était voulu. C'était pas un hasard. Non. D'autant plus que les disparitions avaient lieu par groupe. Donc, il pouvait avoir 3 ou 4 personnes, enfin, on nous disait 4, à la fois dans son appartement. C'est ça. Comment est-il arrêté? Il a été arrêté à la suite d'un article qui a paru dans le journal Résistance, n'est-ce pas? Et il a voulu répondre à cet article. Et alors, on a fait comparaître son écriture et on est arrivé à le trouver. Il était à ce moment-là officier à la caserne de Reuilly. C'est-à-dire ah oui, c'est là qu'on se faisait appeler capitaine Valéry. À 300 mètres de chez moi. C'est là où il se faisait appeler Valéry. Capitaine Valéry. Et Valéry, c'était le nom du docteur qui l'avait précédé au cabinet de son cabinet. Rue Le Sueur. Rue Comartin. Oui. Ah, ça, c'est... Ce qui lui permettait d'ajouter une confusion possible. Oui. Merci, monsieur le commissaire. Je me permets toutefois de signaler ce qui est certainement un lapsus. Vous avez dit le 21 mars 44 et c'est le 11 que l'enquête a commencé. Maintenant, nous allons recevoir monsieur André Thirion. Monsieur André Thirion a connu, lui également, le docteur Petiot. Mais il l'a connu alors qu'il se faisait appeler Valéry. C'était au moment de la libération. Voulez-vous, monsieur Thirion, nous dire dans quelles circonstances vous l'avez connu et ce que vous vous rappelez de lui? Eh bien, c'était un très peu de temps après la libération. J'avais été obligé de renvoyer à son domicile le commissaire d'arrondissement du 19e. Et comme la police était une des forces principales à l'époque de la résistance, il fallait bien en prendre le commandement. J'en avais pris le commandement dans le 19e arrondissement. Et j'avais remarqué, autour de la mairie du 19e, où était notre bureau, les allées et venues d'un barbu, un peu inquiétant. Et je m'étais même proposé de le faire interpeller, lorsque, un après-midi, le policier m'informe que quelqu'un voulait faire des opérations dans cet arrondissement, et dans le 20e aussi, des arrestations. Et je me trouve en présence du barbu, qui est une gabardine, avec des yeux un peu inquiétants. Alors je le fais entrer dans le bureau du maire, je crois. Et il m'explique qu'en effet, il est chargé de mission, qu'il a des renseignements tout à fait graves sur des gens très dangereux. Nous étions encore en pleine période de tireurs de toit, de cinquième colonne, on redoutait des attentats. Et il me dit qu'en particulier, il a des adresses de gens qui habitent très près cette mairie. Enfin, qui êtes-vous? Avez-vous des papiers? Qui vous envoie? Et il m'a sorti une carte d'identité des forces françaises de l'intérieur au nom du capitaine Valéry, qui était au 5e bureau à la caserne de Reuilly. J'ai téléphoné aussitôt à la caserne de Reuilly, où je connaissais quelqu'un, je ne sais plus qui m'a dit, en effet, nous avons bien au 5e bureau un capitaine Valéry, qui a en effet des opérations à faire. Il nous a dit qu'il avait des adresses de gens très dangereux de votre côté. Et bien sûr, nous ne prenons pas la responsabilité de ce qu'il peut faire, mais je crois qu'il serait peut-être intéressant tout de même de voir ce qu'il a. Petiot a prétendu que, avenue Laumière, tout près de cette mairie du 19e, il y avait un Allemand qui se cachait, soldat dans l'armée allemande, et qui se cachait, avait pris l'identité d'un boutiquier. Il a donné l'adresse, et nous sommes allés avec un certain nombre de policiers, notamment un officier de police. J'ai informé d'ailleurs Petiot que c'était la police qui faisait les opérations et la perquisition et que lui assisterait et nous donnerait des indications qu'il pouvait avoir. Je voulais que les opérations de perquisition ou d'arrestation s'effectuassent sous la direction de la police officielle de manière à donner le maximum de garanties. Nous sommes arrivés chez un pauvre tailleur qui était là depuis très longtemps, un pauvre Alsacien qui était malade au lit, qui naturellement était terrorisé par l'arrivée de ces gens, qui bien sûr avait été soldat dans l'armée allemande, mais entre 1914 et 1918, et qui habitait Paris depuis une bonne quinzaine, enfin au moins 15 ans. La perquisition ne donnait vraisemblablement rien dès le début. Et c'était même très gênant, très désagréable. Et il y avait évidemment des tissus, d'ailleurs il avait probablement acheté comme tout le monde, ou conservé des coupes de tissus, ça avait l'air d'intéresser un peu Petiot d'ailleurs. Il y avait une collection de timbres aussi, sur laquelle il est tombé, je ne sais pas s'il pensait trouver des secrets derrière les timbres. Et puis la photographie d'un garçon plus jeune. Il dit, mais sans lui faire mes informations, ont-ils dit, c'est peut-être pas très exact, c'est plutôt ce garçon. Et alors le garçon en question venait de s'engager, je crois, dans la division Leclerc. Ce garçon a la bonne idée ou la mauvaise idée de rentrer en pleine perquisition. Alors Petiot a voulu l'arrêter. Je lui dis, mais c'est entendu, puisque vous prétendez qu'il a quelque chose, nous allons conduire nous-mêmes à la caserne de Reuilly, avec vous, ce garçon, puisque vous pensez qu'il est suspect. Mais comme tout ceci était très, très officiel et très au grand jour, il est obligé de relâcher le lendemain ce pauvre garçon qui rejoint son corps, et on a cessé d'inquiéter le malheureux tailleur. Deux jours après, ou trois jours après, mais enfin très vite après, j'achète François et je vois une photographie en première page d'un barbu. C'était le capitaine Valéry. Voilà mes rapports avec Petiot. Et nous avons eu très peur après, parce que si les précautions que nous avions prises pour essayer de donner le maximum de régularité à des opérations qui, évidemment, ont été quelquefois critiquées après, je me demande ce qui aurait pu se passer avec l'introduction d'un personnage comme Petiot. Mais ce qui est très curieux, à ce moment-là, il se cachait. Et tout en se cachant, il essayait de faire des opérations. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Aller voler chez ces gens? Je crois que oui, je crois qu'il avait l'intention de voler. Peut-être de monnayer aussi des arrestations. Oui. Sûrement. Merci beaucoup, André Thierry. Vous avez donc entendu ces quelques témoins. Évidemment, il y a un homme qui aurait pu nous apprendre énormément de choses. C'est Maître Floriot qui l'a défendu devant les assises. Mais son ordre ne lui permet pas de paraître comme témoin, même à la radio. Il l'a défendu, évidemment, il ne l'a pas sauvé. Quoi qu'il ait pu obtenir, je crois, deux noms du jury sur deux des clients de Petiot. C'est un Mais succès. En dehors du personnage tel qu'il est apparu dans les témoignages, je voudrais, d'après les souvenirs de Maître Floriot, souligner un aspect de Petiot qui vous rappellera étrangement l'aspect de Landru, à savoir son calme et son goût, je ne dirais pas de la plaisanterie, mais tout de même des mots. C'est ainsi que lorsque l'avocat général, au cours du procès en cour d'assises, lui a demandé « Mais enfin, Petiot, comment faisiez-vous pour tuer vos victimes ?» Il lui a répondu « Ah, vous, vous êtes un sadique. » C'est bien merveilleux. Et un jour également où on avait arrêté le procès à 4 heures de l'après-midi parce qu'un certain nombre de témoins étaient absents, il a dit « C'est un four aujourd'hui ». Et également, le jour de son exécution capitale, il était d'un tel calme pendant qu'on lui faisait sa toilette qu'il s'est penché vers son avocat qui était à ses côtés en lui disant « Vous feriez bien de dire à un de vos collaborateurs d'aller se mettre à côté de l'avocat général, il va tourner de l'œil ». Il me semble que ceci correspond à probablement une étape psychique chez l'un et chez l'autre. Je crois tout de même que quand les gens arrivent à commettre un aussi grand nombre de crimes, il y a chez eux un espèce de vice d'irréalité. Puis un manque de sensibilité. Ah, oui, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas responsables. Mais enfin, nous savons très bien que en psychiatrie, il y a tout de même un état qui est un état de responsabilité entière, mais qui suppose chez le sujet une sorte d'irréalité. Ça se passe comme pour Landru, pendant une guerre. Oui, et pendant une guerre où tout le monde est dispersé, et où en plus il y a l'occupation ennemie, il y a des gens que l'on persécute, il y a des gens qu'on recherche pour différents motifs, et toute la population est agitée. En somme, vous pensez-vous qu'ils ont le sentiment qu'à ce moment-là, ah, oui, il y a une espèce d'impunité puisqu'à de à ce moment-là, tous les deux, que ce soit Landru ou Petiot, ont commencé par chercher les gens comme des démarcheurs, c'est vrai, comme des petits commis voyageurs à domicile, les attirer vers eux, et tout ça se passe avec un côté feutré, secret, et un luxe de détails et de précautions qui est prodigieux. Ce n'est pas le sentiment de l'impunité, et ce n'est pas non plus que la sensibilité soit atténuée par l'état de guerre, mais c'est parce que la matière est plus facile. C'est entendu, c'est plus facile, mais malgré ça, je prétends, et je veux dire, c'est leur insensibilité devant la guillotine et devant procès, qui, je crois, me permet d'affirmer ça, je crois tout de même que chez ces gens-là, il y a une espèce d'irréalité. Il y a cruauté d'abord. Ce qui est tout de même un premier pas vers la démence. Il n'a pas été jusqu'au bout de sa démence, il a été seulement jusqu'au bout de ses crimes. Voilà. C'était Soyez témoin, une émission d'André Gillois, avec ce soir Madame Simone, Jean-Pierre Morfait, Jean Oberlé, Jacques Parson et quelques témoins de l'affaire Petiot. Ont collaboré à cette émission Florence Lièvre et Gaston Morfait. Montage radiophonique de Jacques Guinchard. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne Barésienne le 18 juillet 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.